Bonjour à tous, bienvenue sur les podcasts Outsider. Aujourd'hui, c'est un podcast magnéto, c'est-à-dire un enregistrement de parties de jeux de rôle, qui va être consacré, bah, comme c'est maintenant une habitude, à un des jeux de ma création. Cette fois-ci, nous allons tester Arbre. Arbre, le jeu des clochards magnifiques dans les forêts hantées de Millevaux. Avec moi, j'ai quatre joueurs et joueuses magnifiques, justement, que je vais laisser se présenter vite fait. Du coup, ça nous permettra aussi de savoir si on vous appelle par vos pseudos, par vos prénoms. Donc, en fonction de comment vous allez vous présenter, ça posera le ton. Pas tous à la fois. Ah. Peggy, tu veux commencer peut-être dans l'ordre de Andot, ce sera plus simple. Ok. Ben, moi je suis Peggy, tout simplement. Voilà, je suis venue découvrir le jeu. Ok, donc c'est intéressant parce que toi, t'as jamais joué à Millevaux, je crois pas. Non. Donc voilà, du coup, tu auras un regard un petit peu frais par rapport aux autres qui ont déjà été corrompus. Non, je connais pas l'univers. Avec nous, on a Fabrice aussi. Donc moi Fabrice Sakarjuna, bon j'ai déjà un peu essuyé essuyé les plâtres sur Millevaux, pas mal. Et j'ai testé récemment une partie d'Arbre avec un petit hack parce qu'on jouait des vampires. Mais bon, j'ai eu l'occasion de tester le jeu et de m'apercevoir à quel point c'était épuisant pour le MJ. Alors bon, là déjà il y a la version qu'on va tester, elle est différente de celle que tu as testée, parce que celle que tu as testée, le système de résolution n'était pas au point, et de surcroît il me semble que tu l'as même carrément pas utilisé. Donc du coup là il y a un nouveau système de résolution que j'espère un peu plus au point. Après on le verra tout à l'heure, mais dans Arbre il n'y a rien qui soit pas encore complètement en chantier, hein, donc c'est vraiment le jeu est encore vraiment en friche, hein, pour le moment. Bon, Volsung, je pense qu'il a pas trop envie de se présenter en ce moment, il mange, mais donc il y a aussi Volsung parmi nous. Et puis enfin Gerhardt, je sais pas comment on va t'appeler pendant la partie. Bon, le plus simple, c'est toujours le nom du personnage. Ouais, Sinon, on reviendra vite, ouais. sur le net, je traîne un peu parce que j'ai pas une activité débordante sous le nom de Sindenfein, Gerhardt. Dans la vraie vie, je m'appelle Philippe. J'ai déjà joué à Millevaux, mais je ne joue que quand c'est enregistré. Ah, On c'est une devient une nouvelle. star. Super. Alors, plein de choses, hein. Alors déjà la grosse différence par rapport à d'autres jeux que je fais tester, c'est que vous allez voir qu'on va avoir droit à un briefing et à une séance de création de personnages un petit peu copieuse. Tout d'abord parce que Arbre, c'est un jeu qui se joue en campagne, normalement. Donc en fait ce soir on va jouer non pas un one shot, enfin on va jouer un épisode pilote, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à tout résoudre en une seule fois. On joue pas des personnages typiques des one shots, c'est-à-dire des personnages suicidaires sans attache. On joue vraiment un épisode pilote, quoi. Ok. D'ailleurs, j'ai découvert un petit peu malgré moi que finalement c'était assez intéressant, même si on n'avait pas l'opportunité toujours de poursuivre. Généralement, moi, dans les séries, c'est souvent les épisodes pilotes qui sont mes épisodes préférés. Donc, il y a une bonne partie de Arbre, du coup, c'est laisse quand même un petit frustration à la fin, mais pour autant, elle est intéressante en soi, quoi. Dans le sens où on joue un petit peu la genèse d'une saga. On va comme donc il faut savoir que la création de perso en elle-même risque de nous prendre, je dirais, facile 3 quarts d'heure, hein, on va pas se mentir, quoi. Donc ça veut dire que si on est bon, on commence vraiment à jouer à 10h moins le quart. Allez, 9h30 si on est vraiment très bon, mais on va dire 10h moins le quart. Voilà, et je vais du coup vous demander un petit peu quelles sont vos limites horaires. Moi, Sans j'en ai limite. pas. Alors moi, je bosse demain, hélas. Bon, après, j'ai pas besoin de beaucoup de sommeil, mais débrief compris, pas au-delà de 2 heures. Pas au-delà de 2 heures. 2 heures. Ouais, ok. Il me faut au moins 3 heures de sommeil, sinon après, je suis fatigué. Ouais, c'est déjà confortable, hein. On va essayer de surtout pas déborder de ça. Bon, je pense même si on finit plus tôt, je pense que ce sera ce sera que mieux. Mais au pire, déjà je me mets un réveil à 1 h du matin pour me faire signe qu'il faut qu'on s'active. Bah, tu sentiras de toute manière qu'on approche de l'heure du matin parce que mes propos seront encore plus incohérents qu'ils ne le sont d'habitude. Ah ouais, mais elle sera peut-être dans le personnage, ça. Ah oui, l'acting, j'ai pas pensé à mon talent, hein, sans limite encore. Tu disais d'ailleurs qu'on jouait façon pilote, est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas jouer le personnage comme des voitures volées Ah non, non, pas trop, non. Aïe, ça va être difficile. Après, tu verras que on joue des personnages très contradictoires qui, justement, d'un côté, sont des personnages qui jouent pour la survie, et de l'autre, c'est des personnages qui jouent dans l'abandon, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont des pulsions de vie et des pulsions de mort qu'ils sont tout le temps en train de se combattre. Donc si tu joues comme une voiture volée, c'est parce que sa pulsion mort aura pris le dessus. Non, mais en fait, je vois que vu le genre de Lascar un peu tordu qu'on incarne, ça va quoi. Ça va être un épisode pilote de personnages assez tordus quand même, hein. Ouais. Assez instable, hein. Assez inconstant. Alors, sur le board, hein, parce que alors pour bon les audi je pense que les gens qui les gens le verront pas, mais on joue avec Real Time Board, alors c'est une première pour moi. Du coup, il y a quelqu'un qui a mis le guide du joueur dessus. C'est vraiment pour le moment un papier assez indispensable pour pouvoir jouer correctement. Au moins la création de personnage, si vous n'avez pas le guide, vous allez en baver, hein. Donc vraiment, si vous avez tous le PDF qui est la version mai 2015, hein. Sinon, de toute façon, elle est sur le board. Donc, je vais l'utiliser, hein, d'ailleurs, pour un peu vous guider. Donc, tout d'abord, un petit rappel sur l'univers de jeu. Ça se passe dans la forêt, une forêt mutante hostile qui recouvre tout. Il y a quatre dangers principaux qui vont vous rendre la vie un petit peu compliquée. L'oubli. En fait, sans proche, sans objet ou technique pour vous le rappeler, vous allez oublier peu, enfin, vous oubliez petit à petit votre passé, et les vagabonds sont davantage touchés. Pas de bol, vous allez jouer des vagabonds. L'emprise. L'emprise, c'est un phénomène de contamination biologique qui transforme les êtres et les choses. Donc, ça peut prendre des formes tout à fait différentes, hein, d'un cas sur l'autre. Il y a l'égrégore, qui est la somme de toutes les hantises humaines, et donc qui engendre des manifestations surnaturelles. En fait, ça, l'égrégore, ça donne vraiment sa forme au surnaturel dans Millevaux. Grosso modo, c'est les croyances des gens qui vont façonner tout ce qui est un peu magique, un peu bizarre, un peu surnaturel. Et enfin, les Orlas, qui sont des monstres issus de l'emprise ou de l'égrégore, voilà, qui vont hanter la forêt. Pareil, qui peuvent prendre tout un tas de formes, hein. Ils peuvent être physiques comme immatériels, ils peuvent être humains comme complètement monstrueux. Donc il faut savoir qu'il y a une chose qui est importante dans ce jeu, c'est la notion de bande, de solo et de communauté. Donc un solo, bah, c'est un personnage qui est tout seul. Il faut savoir que si votre personnage se retrouve en solo, vous avez 1 semaine d'espérance de vie, vu la dangerosité du monde, quoi, et vu le type de personnage que vous jouez. Donc, ça veut dire que si vous quittez une bande ou une communauté, bah, il faut savoir exactement à quel risque vous vous exposez, quoi. Une bande, c'est un groupe de clochards. Donc les clochards, c'est vous, hein, c'est les personnages joueurs. Et de figurants, sachant qu'il faut pas, il faut moins de figurants que de clochards. À partir du moment où dans une bande, il y a autant de figurants que de clochards, ça devient une communauté. La bande, c'est typiquement la formation de jeu par excellence à Arbre. Plus exactement, en fait, si vous rejoignez une communauté, ou si vous laissez votre bande enfler, en fait, jusqu'à devenir elle-même une communauté, eh bien, au bout d'un moment, les gens de la communauté vont finir par vous dire, quoi faire, quoi penser, avec qui vous marier, quel métier exercer, quel dieu prier. Et en fait, vous perdrez assez rapidement tout libre arbitre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous rejoignez une communauté, c'est peut-être un choix de confort, c'est peut-être un choix qui va garantir à long terme la survie de votre personnage, mais ça veut dire que vous vous arrêtez de jouer votre perso. Est-ce que c'est clair, cette condition? Lapide. Voilà. Et donc clairement vos personnages le savent. Ils savent que s'ils partent en solo, il leur reste une semaine d'espérance de vie. Et ils savent que s'ils rejoignent une communauté, ils vont perdre tout libre arbitre. Donc, y compris d'ailleurs s'ils deviennent en fait devenir le chef d'une communauté, c'est pas un bon plan non plus, hein. C'est-à-dire que même le chef d'une communauté finit par perdre tout libre arbitre, quoi. Il devient finalement même s'il pense avoir toute forme de pouvoir, ne serait-ce fût-il tyrannique, entraîne en fait tellement une cohorte de responsabilités qui fait qu'on perd son libre arbitre. Voilà. Il faut savoir aussi quelque chose, donc les gens qui vivent dans les communautés, c'est clairement un choix de survie de leur part. Mais c'est ce qu'on appelle, on les appelle des chaînes en fait. C'est-à-dire que bien à l'abri dans leur communauté, bah, ils semblent à l'abri de tout danger. Mais en fait, au moindre coup, ils peuvent mourir quoi, ou disparaître. Tandis que les personnages, vos personnages, les clochards magnifiques, vous êtes des roseaux. C'est-à-dire que vous allez encaisser une série innombrable de coups, mais au final, vous allez tenir. C'est ce qui vous différencie des gens des communautés. Voilà, donc vos personnages, vous êtes des clochards magnifiques, vous survivez avec vos dernières ressources qui sont de matériel usagé, des amis instables, des frusques miteuses, des amours fragiles, voilà, tout un tas de souvenirs vacillants, organes malades, illusions frappantes. Ouais. Vous avez c'est ça qui définit votre personnage en fait, c'est ce qui, bah, les dernières choses qu'il conserve autour de lui, quoi. Ces maigres possessions physiques, spirituelles ou immatérielles. Alors il y a un point de briefing que j'ai oublié, je vais le lancer tout de suite parce qu'il est important. Donc on est dans un playtest, hein. Clairement, bon, j'ai joué 15 fois à peu près au jeu, je l'estime qu'il est loin d'être fini, même si bon, on va pouvoir faire une partie, quoi, mais après il y a sans doute plein de choses qui coincent encore. Pendant le jeu, ne faites pas de critiques. J'en attendrai de votre part lors du débriefing, mais pendant le jeu, bah, notez vos critiques et on les abordera plus tard. Par contre, posez autant de questions qui vous sera nécessaire pour comprendre le jeu et puis surtout pour orienter aussi le jeu vers quelque chose que vous appréciez, quoi. Parce que le but quand même, c'est que vous passiez un bon moment. Donc, petits éléments pour créer votre feuille de personnage. Alors, vous allez avoir besoin d'une feuille de papier, d'un stylo. Alors, ceux qui sont des vrais psychopathes peuvent utiliser Real Time Board, mais il faut savoir que la feuille de personnage, elle est au départ composée d'éléments qui sont tous masqués, donc je ne sais pas du tout comment gérer ça sur Real Time Board. Donc, si vous voulez utiliser Real Time Board, éventuellement utilisez l'outil Post-it uniquement quand vous révélez des éléments de votre feuille de personnage. Mais au départ, tout va être masqué. Ouais, pour y avoir joué, moi, ce que je suggérais plutôt, c'est de tout faire par écrit, effectivement, quand on veut révéler aux autres, on va sur le time board, mais le faire par écrit, sinon ça va être le bordel. Ouais, tout à Enfin, fait. de base. Donc, en fait, votre feuille de personnage, vous allez là. Bon, d'habitude, on dessine un petit arbre, mais là, on s'en fout parce que on voit pas nos feuilles. Vous allez diviser, vous allez prendre une feuille au moins 4, et vous allez la diviser en 7 lignes. Ah, du coup, ça fait un tableau à une colonne et 7 lignes. C'est l'arbre de personnage. Donc sur le guide, on voit les intitulés des lignes. Il y a la mémoire, le crâne, les entrailles, le cœur, la viande, le matériel et le microcosme. Donc c'est un peu expliqué, hein, en détail ce que représentent ces sept branches. Je vais juste le faire quand même à l'oral parce que j'oublie pas aussi qu'on a quelques auditeurs. Du moins j'espère. Donc la première chose qui est importante, c'est que donc vous avez sept branches, elles sont définies dans le jeu, mais cette définition c'est vraiment une suggestion. C'est-à-dire que vous après, vous faut voir les branches comme une façon de ranger les infos sur votre personnage, mais c'est vous qui vous faites votre propre interprétation de chaque branche. Donc ça veut dire qu'on perturbe pas le jeu en demandant toutes les 5 minutes au MJ oui telle chose est-ce que je peux le mettre en mémoire ou est-ce que ça va plutôt en crâne quoi. C'est vraiment vous faites votre propre trip et vous rangez ça un petit peu comme ça vous chante. Alors rapidement, hein, les 7 branches, il y a la mémoire. Bon, la mémoire, tout simplement, c'est les souvenirs, mais aussi les savoir-faire. Alors, les faux souvenirs ou les faux souvenirs partiels ont tout à fait leur place dans cette branche. Également, nous avons le crâne. Le crâne, c'est à la fois le crâne physique, donc le crâne dans son entier ou des parties du crâne, mais c'est aussi le crâne métaphorique, la volonté, les idées, et c'est enfin le crâne psychique, les subconscients. Et ça peut être des choses qui sont pas. En fait, dans chaque branche, il peut y avoir des parasites. Hein. C'est-à-dire que des choses qui sont pas contrôlées par votre personnage, mais qui le hantent. Hein. Donc, de même qu'on peut avoir des souvenirs qui hantent le personnage, voilà, qui sont pas tout à fait sous son emprise directe. On a les entrailles. Les entrailles, c'est notamment les entrailles physiques, c'est-à-dire bah, tous les organes en fait. Hein. Mais ça va aussi être les entrailles métaphoriques. C'est-à-dire tous des sentiments qui sont viscéraux. Voilà, quand les tripes du personnage parlent, plutôt que son cœur ou que sa cervelle, on va mettre ça dans entrailles. Le cœur, c'est aussi le cœur physique, également le cœur métaphorique. C'est-à-dire qu'on va mettre des sentiments ou des noms de personnes dans cette branche. La viande, bon bah c'est le squelette, le muscle, la peau, mais aussi les organes qui dépassent, tout ce qui recouvre la peau, les parasites. Et aussi tout ce qu'on peut porter directement sur la peau, les vêtements. Si vous avez par exemple un animal tel un rat ou un furet qui se balade en fait vraiment dans votre col ou enfin très proche de votre corps, vous allez le mettre dans viande. Ensuite le matériel. Le matériel, bah, c'est ce qui n'est pas directement porté inclus dans les vêtements, mais c'est ce que tu peux porter sur toi, quoi. Hein, donc sac à dos, le matériel qu'on porte à la main. Et pour finir, le microcosme. Le microcosme, c'est toutes les ressources qui ne sont pas directement sur le personnage. Véhicules, animaux de compagnie, amis, ennemis, et c'est même des choses qui sont très loin, comme par exemple un lieu que le personnage cherche à atteindre. Alors, est-ce que ça va pour le moment? Ok, Parfaitement. très bien. Oui. Alors, avant d'aller plus loin, il faut que je vous dise un petit mot sur le scénario qu'on va jouer ce soir. Donc dans Arbre, ce sont des scénarios bac à sable, c'est-à-dire que j'ai prévu tout un tas de choses qui se baladent dans la région de jeu. Après, mon ambition, c'est pas du tout de toutes les mettre en scène, ni de vous imposer une mission en particulier, quoi. Je vais plutôt suivre un petit peu les envies et les motivations de vos personnages. Donc le bac à sable de ce soir, il s'appelle Balade pour un missile. C'est clairement parmi ceux qui sont proposés dans la version playtester et c'est clairement celui qui est le plus rustique et le plus basique. Déjà, il se passe vraiment dans la forêt, contrairement aux autres bacs à sable qui sont dans des environnements un peu particuliers. Et puis on joue des personnages que j'estime être assez emblématiques, c'est-à-dire certes vous jouez des clochards, mais surtout vous jouez des clochards forestiers, quoi. Donc c'est plutôt des zonards. Il a aussi un petit goût de Mad Max, hein, puisqu'en fait il est centré sur un lieu particulier de la forêt qui est la Voie Déchue. En fait, la Voie Déchue, c'est ni plus ni moins que les vestiges d'une autoroute. Alors c'est vraiment ce qu'il en reste, hein, c'est-à-dire que les arbres et la végétation ont recouvert généralement sur les 4 voies, il y en a 3 sur 4 qui sont recouverts par de la végétation. Et puis généralement les frondaisons des arbres recouvrent même le ciel au-dessus de la voie qui reste. Mais bon, ça reste une voie carrossable, certes défoncée, mal fréquentée, exposée aux prédateurs, mais une voie carrossable. Et donc c'est une voie de passage privilégiée pour notamment des véhicules à moteur. Donc en quelque sorte, balade pour un pick-up, hein, le nom de ce scénario, c'est un petit peu Mad Max dans la forêt. On va pouvoir avoir des véhicules, l'essence va être une ressource clé, et on va pouvoir faire éventuellement de grands déplacements, ce qui est déjà plus difficile dans d'autres contextes de jeu. Voilà, et au début du scénario, donc dans Arbre, en fait, les introductions sont toujours scriptées. Hein. Au début du scénario, vos personnages découvrent un pick-up abandonné sur le bord de la voie déchue. Donc un pick-up, hein, vous savez, c'est les gros véhicules tout-terrain américains une grosse plateforme à l'arrière, plateforme ouverte. Et donc, à l'arrière de ce pick-up, il y a une malle qui est arrimée, une grosse malle noire qui fait toute la largeur de la plateforme. Et sur les sièges avant du pick-up, il y a trois cadavres. Et il y a également deux autres cadavres qui sont sur la plateforme. Donc voilà, il y a également un cadavre de chien. Ils ont été partiellement dévorés. On ne sait pas encore si ça a été par des prédateurs, par des charognards ou par des humains, on ne sait pas trop. Voilà, ça c'est le contexte de départ du scénario. Partant de là, il va vous falloir en fait définir un groupe qui a de bonnes raisons d'être là et surtout qui a de bonnes raisons de continuer le chemin ensemble. C'est-à-dire qu'un mauvais groupe, c'est un groupe qui splitterait en fait rapidement après la découverte du pick-up. Il va falloir vous trouver une raison d'être soudé, on va dire au moins pour la durée de l'épisode pilote. Et plus exactement, en fait, il va vous falloir définir une branche en commun. On va commencer par faire ça avant d'aller plus loin dans le guide du joueur. Donc, j'explique c'est quoi la branche en commun. En fait, la branche en commun, c'est quelque chose qui symbolise l'union du groupe. Si par exemple vous avez pris mémoire en commun, c'est très certainement que votre groupe vous avez tout simplement le même passé, quoi. Ou vous êtes à la recherche d'un même souvenir effacé ou d'une histoire et ainsi de suite, quoi. Donc pour chaque type de branche commune, on peut imaginer une commune, enfin, on peut imaginer un point commun qui peut être assez différent, quoi. Un groupe, une branche commune en cœur, très certainement, c'est des personnages qui sont soit de la même famille, soit qui s'aiment beaucoup, ou au contraire, qui peuvent pas se blairer, mais qui sont du coup forcés d'être ensemble pour une raison bien précise. Ou encore qui sont unis par le même amour ou la même haine pour un figurant ou un décor particulier. Est-ce que c'est assez clair cette notion de branche commune? Oui, mais ce serait assez amusant que tu nous donnes un exemple pour chacune des branches, je pense. Ouais, amusant et fastidieux. Voilà. Alors attends, je vais directement piocher dans le bouquin. Ça va aller plus vite. Mais si c'est toi qui donnes les exemples, ça va peut-être aussi nous limiter, non? Un risque. Nous limiterait. Non, je puisque je vais donner des choses les plus génériques possibles. Que là, du coup, ce serait un bon compromis. Mémoire, j'ai donné un exemple. Crâne. En fait, ce qu'il peut y avoir en commun, si c'est crâne, c'est une volonté, un projet, une idéologie, savoir-faire, connaissance, secret. Viscère, c'est que vous auriez en commun une maladie, un handicap, une immunité, une débauche, une pulsion. Cœur, ça peut être une passion, une amitié, une famille, une haine, une vendetta. Viande, ça pourrait être la couleur de peau, un uniforme, un déguisement, une maladie de la peau. Matériel, ce serait un matériel commun à gérer. Microcosme, ce serait un autre type de matériel commun à gérer, un truc suffisamment gros pour qu'on puisse pas le porter en fait. Tel qu'un véhicule, bon bah ça pourrait être par exemple le pick-up, ça pourrait être la malle, un animal, un convoi de prisonniers, une diligence, une famille, une communauté, une secte. Alors juste pour information par rapport aux communautés, on peut frayer des communautés, même faire des co collaborer avec elles, mais il faut que ça reste ponctuel, quoi. Clairement, dès qu'il y a la moindre ébauche on va dire, de CDI avec la communauté, c'est la perte du libre arbitre assuré pour le personnage, quoi. Je dirais que même en fait, le seul engagement qu'un clochard peut prendre vis-à-vis d'une communauté, c'est un engagement de un jour, quoi. S'il a le sentiment qu'il est lié à la communauté pour plus d'une journée, ça devient déjà difficile pour lui. Ok. Une branche commune, c'est toute la branche qui est commune ou c'est juste un élément de cette branche-là qu'on va C'est partager? finalement plutôt un élément, quoi. Ok. Je vous laisse aller de vos suggestions, hein. Là, du coup, c'est vous qui Ouais, bossez. c'est un peu difficile de partir de rien comme ça. Je sais pas. Est-ce qu'il y en a qui auraient des thématiques qu'ils auraient plus envie d'exploiter, quoi? Alors, Moi, je disais qu'on pouvait avoir tous là une même marque ou une même cicatrice. après, si c'est ça, il faut évidemment creuser, tu vois, parce que c'est quand même quelque chose qui soude le groupe. Donc, il faudra que derrière, soit les personnages cherchent à en savoir plus, soit que cette cicatrice-là elle-même est lourde de sens. Une Juste compagnie avant de que vous, lépreux. peut-être avant que vous posiez plus d'idées, Ouais. y a quand même une chose que j'ai oublié de préciser, c'est que donc le lieu où commence ce scénario est à grosso modo deux jours de trajet en véhicule à moteur, à 2 jours de trajet d'une ville qui s'appelle Marly-Gaumont, qui en fait une espèce de qui est un carrefour de deux voies d'issue, et donc qui c'est une espèce de ville champignon qui concentre tout un tas de gens, une espèce de bidonville à ciel ouvert, donc qui peut être un lieu d'origine ou une destination pour les personnages. Et également, je vais donner les diverses. Donc, partant de Marly-Gaumont, en fait, on est au carrefour de deux voies d'échu. Ça veut dire qu'il y a quatre directions possibles. On peut aller vers Métro, qui est en fait l'ancienne ville de Paris, donc qui est une capitale grouillante. On peut aller vers Terre-Calais, qui est un port. On peut également aller vers la Saxe. La Saxe, en fait, qui est une terre sauvage, peuplée de barbares. Et on peut également aller vers Little Ho Chi Minh Ville, qui est une terre à l'est, enfin qui est une ville à l'est, une ville panasiatique, en fait, c'est-à-dire que qui est essentiellement habitée de personnes d'origine asiatique, et qui est en fait la ville des reliques, qui concentre tout un tas de technologies. Ok. Bon, pour continuer sur cette histoire de cicatrice, tu aurais imaginé quelque chose en rapport avec la mémoire? Genre, on ne sait pas d'où proviennent les cicatrices, et c'est un peu notre quête. Bon, ouais, ou ça, ou peut-être plutôt un signe de reconnaissance, un truc plus tribal. Peut-être qu'on avait, enfin tu dis tribal, moi je partais dans une autre direction. Peut-être qu'on a tous un tatouage qui évoque la troupe de funambules ou du cirque dont on faisait partie avant qu'on oublie vraiment de quoi il s'agissait. Ouais, tu sais, il y a des tatouages qui sont faits, tu sais, je sais pas comment c'est. C'est carrément gravé, tu sais, dans la peau, un truc comme ça. Scarification. Ouais, enfin, c'est une méthode de faire des tatouages qui fait que c'est comme gravé, quoi. C'est pas exactement une scarification, c'est justement un truc tribal. Pour information, à Millevaux, il y a un type de tatouage qui est particulier, qui s'appelle le tatouage sarcomantique. En fait, votre peau est carrément. En fait, il y a un praticien qui s'appelle le sarcomancien qui utilise un liquide qui transforme votre peau en espèce de pâte à modeler pour un temps réduit et qui lui permet de modeler votre chair à volonté. Alors bon, c'est une suggestion, hein, mais ça peut être un tatouage sarcomantique, tout comme ça peut être effectivement un autre type de tatouage. Bon, je pense qu'on est peut-être bien parti là-dessus. Continuez à apporter des idées. Et je pense que le mieux, c'est que plutôt que d'essayer de choisir à tout prix, on essaiera de fusionner un petit peu les diverses idées, parce que je pense que c'est assez fusionnable. Ok. Moi j'aurais plus, oui, justement le côté tribal que le côté sarcomantique qui pourrait. Ok, ça roule. Je sais pas, moi je serais moins chaud, mais bon après, faut Oh voir non, mais les y a, prix. voilà, si y a une personne qui est pas partante, eh ben on élimine le truc, c'est aussi simple que ça. Oh, tout très mal, ça me va. Et donc est-ce que. Est-ce que c'est le même tatouage? C'est-à-dire que vous avez exactement le même motif, ou est-ce qu'en fait il y a des variantes selon les individus? Il y a des variantes. Ok. Mais c'est tous le même style et il y a une Ouais, on voit que unité c'est le à même connaître. style. On a évoqué le fait il y avait l'idée d'une tribu, il y avait l'idée de saltimbanque. Ça peut être une tribu saltimbanque, c'est-à-dire une tribu qui nomade, qui vit principalement, notamment en faisant des spectacles. C'est pas du Ça tout fait. impossible. Ce qu'ils en Après, disent. tout dépend. Est-ce qu'on veut partir sur une notion d'amnésie ou c'est juste un signe de notre passé? Donc, on a Alors, beaucoup filé, t'es avec nous, t'es. je suis tout à fait avec vous, je D'accord. réfléchis, j'étais en train de me demander si on pouvait avoir comme branche morte la branche partagée. Oui, alors c'est possible en fait. Alors, la branche morte, c'est une branche que le joueur barre. Et si tu barres la branche morte, ça veut dire que clairement ta motivation pour rester dans le groupe, elle a rien à voir avec le tatouage, tout simplement. Peut-être même que t'en as pas, quoi, tu vois, par exemple. T'es un peu un électron libre. Après, ça veut pas dire que t'as aucune raison d'être dans le groupe, mais t'es pas dans le groupe pour la même raison que les autres, quoi. Vertigineuse liberté. C'est Oui, comme à chaque fois. Mais non, je pense. Alors, moi, je vais vous poser des questions, du coup, pour dégrossir un petit peu. Donc, est-ce que vous connaissez, en fait, donc la tribu dont vous êtes originaire, du fait du tatouage, est-ce que vous en avez le souvenir? Ok, alors, comme vous n'avez pas dit. Pardon. Il faudrait qu'on réussisse à s'entendre au niveau d'un concept et après on rentre dans les détails. Je pense que le plus simple, donc vous avez quitté une tribu, donc soit vous vous en rappelez pas, vous vous rappelez pas pourquoi vous, parce que clairement quand vous êtes en bande, ça veut dire que vous faites plus partie de la tribu. Une tribu, c'est une communauté, forcément. Donc soit la communauté n'existe plus, soit vous l'avez quittée. Et si vous l'avez quittée, pour quelle raison, quoi? Et est-ce que justement vous savez pourquoi vous l'avez quittée? Ça c'est encore une question, quoi. On a été banni. On pourrait l'avoir perdu et la Voilà, ça. chercher. J'avais un peu la même idée. Ça pourrait être une bonne base. Soit qu'on a été banni, soit qu'on a décidé de. Vous recherchez la tribu. On a été banni. Ouais. En fait, vous Divinité. savez quoi? Ouais. Alors, dites-moi, parce que faut pas que ça vous défrise. Mais je trouve que vous avez tous tellement une approche différente du concept que ça peut être très intéressant. Comme surtout que la création de personnages est quand même quelque chose qui est assez, assez, assez. Bah, en fait, la plupart des infos sur votre personnage, vous allez pas elles vont être masquées au départ. Vous pouvez très bien en fait avoir une version des faits qui soit différente. Surtout à cause de l'oubli, c'est tout à fait être possible, quoi. Qu'il y a un joueur qui un clochard qui dit bah non mais en fait la tribu on a été banni. Et puis qu'un autre dise bah non la tribu elle nous enfin on l'a perdu de vue lors d'une tempête mais ils nous recherchent, il faut qu'on les retrouve. Est-ce que Tout vous trouvez l'idée intéressante? ouais, ou tout simplement qu'on a tous une interprétation différente de Voilà, ce vous qui avez s'est une version des faits passé. Ouais. différente. Et peut-être du coup si une motivation différente par rapport à la tribu, mais en tout cas, comme c'est votre branche en commun, c'est quelque chose qui soude le groupe, il faut quand même que cette interrogation et ce lien par rapport à la tribu, c'est quelque chose qui est fort fort pour vous et que quelque part la bande, c'est aussi une façon de recréer en fait de sauvegarder l'esprit de la tribu, l'esprit tribal, quoi. Mais si Mais on n'a voilà. pas la même version, ça va être dur de trouver cette unité, justement. Oui, c'est ce que je m'étais dit, c'est que j'avais peur que ça parte trop en PVP. Est-ce que c'était un jeu PVP en fait? Je me souviens plus ce que tu avais marqué dans. C'est un jeu soft PVP. C'est-à-dire qu'il peut très bien y avoir des dissensions au sein du groupe. Mais il faut savoir que si ton personnage quitte la bande, tu arrêtes de le jouer. Donc il y a une sanction très nette Ouais. à partir en PVP, quoi. D'autant plus que le jeu s'annonce comme un jeu en campagne. Ça veut dire que le jeu et le squelette du jeu. C'est les personnages qui jouent collectif. Les autres sont forcément des électrons libres autour de ce squelette, quoi. Bah, peut-être vous voyez de la réponse Peggy, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est qu'en fait, même s'il y a des désaccords, on se retrouve tellement seul et abandonné qu'on reste ensemble parce que on est ce qui ressemble plus à notre ancienne communauté, enfin, on est les seules alliances qu'on a les uns par rapport aux autres. Ou ça te semble bloquant? Non, Enfin, pas les autres, bloquant, je sais pas. mais je pensais avoir un lien plus fort, en fait. Ouais, bah, si c'est important pour toi que le lien soit fort, il vaut mieux qu'on le renforce. Écoute, ou sinon, je sais pas, c'est peut-être une idée débile, mais chacun propose, tu vois, genre résumé en une phrase vraiment, c'est quoi le groupe, quoi. Et peut-être le rapport avec notre communauté, pour qu'on ait été banni, et on retient la meilleure idée en faisant un melting pot de ce qu'on a dit, je sais pas. Ouais. Ok, bah Fabrice, c'est quoi pour toi le groupe? L'objectif du groupe en fait, c'est quoi l'objectif du groupe pour toi? Alors pour moi l'objectif du groupe en fait moi j'étais mis de côté parce que j'étais trop faible et bah, pour moi c'est l'occasion ou jamais de prouver ma valeur quoi. On va dire que j'étais un marginal et mon Attends, idée c'est attends, là tu pars tout de suite dans des trucs individuels. C'est quoi l'objectif du groupe? ah l'objectif du groupe je crois que tu disais Ouais. dans le groupe Non, non, excuse-moi. l'objectif du groupe. L'objectif du groupe, c'est de déterminer pourquoi ils ont été bannis, parce qu'ils comprennent pas pourquoi, ils comprennent peut-être, ils pensent qu'ils ont été accusés à tort ou autre. Ok. Voilà, comprendre Gerhard, pourquoi ils ont été bannis. ce serait pour toi, ce serait quoi l'objectif du groupe? Être ensemble. C'est un peu tautologique comme réponse, mais on est mieux sans eux. Mais on est bien ensemble. Ok. Peggy? Ouais, moi je suis plutôt du même avis que Philippe. On a été banni, on forme notre groupe. On n'a plus besoin des autres, quoi. Ok. Volsung? Bah, si on part dans cette idée de saltimbanque, avec les costumes quand même assez typés, les spécialités, c'est sûr qu'on est semblable à personne, quoi. On est vraiment, on est très typé, quoi, Ouais. parmi la populace, donc c'est sûr que Donc c'est ça peut être encore nous compliqué. contre le reste du monde, quoi. Ça. J'ajouterais que si ça vous botte l'idée des saltimbanques, ça va nous faciliter la chose pour imaginer tout le reste, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Ça fait partie aussi du. Ouais, donc vous êtes un. En fait, clairement, vous avez été banni de la tribu, mais en quelque sorte, vous avez refait votre propre tribu, quoi. Sur un peu les mêmes principes, peut-être en essayant de virer ce qui marchait pas dans la tribu principale, et en essayant de faire votre propre version, quoi, de mini-tribu. Ok. Bon, je pense que il vaut mieux ensuite qu'on développe ça en jeu, quoi. Faut pas non plus que le brainstorming prenne des plombes et remplace le jeu. Ok. Et donc, suite à ça, alors là, Volsung, tu parlais de vertigineuse liberté, on va être complètement dedans.